Unité 3. Conversation. Écoutez. Voici Monsieur Duval. Est-il pharmacien? Non, il n'est pas pharmacien. Il est employé de banque. Est-ce qu'il travaille à Paris? Oui, il travaille à la Banque nationale de Paris. Est-ce qu'il habite à Paris? Non, il habite à Saint-Cloud. Répétez. 1. Voici Monsieur Duval. 2. Est-il pharmacien? 3. Non, il n'est pas pharmacien. 4. Il est employé de banque. 5. Est-ce qu'il travaille à Paris? 6. Oui, il travaille à la Banque nationale de Paris. Sept. Est-ce qu'il habite à Paris? 8. Non, il habite à Saint-Cloud. Répondez, répétez. 9. Est-ce que Monsieur Duval est pharmacien? 10. Non, il n'est pas pharmacien. 11. Est-ce qu'il est employé de banque? 12. Oui, il est employé de banque. 13. Est-ce qu'il travaille à Paris? 14. Oui, il travaille à la Banque nationale de Paris. 15. Est-ce qu'il habite à Paris? 16. Non, il habite à Saint-Cloud. Écoutez. Voici Mademoiselle Blanc. Est-elle étudiante? Non, elle n'est pas étudiante. Elle est employée à la poste. Est-ce qu'elle travaille à Paris? Oui, elle travaille à la poste de la rue Molière. Est-ce qu'elle habite à Paris? Non, elle habite à Vincennes. Répétez. 17. Voici Mademoiselle Blanc. 18. Est-elle étudiante? 19. Non, elle n'est pas étudiante. 20. Elle est employée à la poste. 21. Est-ce qu'elle travaille à Paris? 22. Oui, elle travaille à la poste de la rue Molière. 23. Est-ce qu'elle habite à Paris? 24. Non, elle habite à Vincennes. Répondez, répétez. 25. Est-ce que Mademoiselle Blanc est étudiante? 26. Non, elle n'est pas étudiante. 27. Est-ce qu'elle est employée à la poste? 28. Oui, elle est employée à la poste. 29. Est-ce qu'elle travaille à Paris? 30. Oui, elle travaille à la poste de la rue Molière. 31. Est-ce qu'elle habite à Paris? 32. Non, elle habite à Vincennes. Écoutez. Françoise parle-t-elle avec le professeur? Oui, elle parle avec le professeur d'anglais. Jacques va-t-il à la fac? Non, il ne va pas à la fac. Paul est-il chez Jeanne? Oui, il est chez Jeanne. Répétez. 33. Françoise parle-t-elle avec le professeur? 34. Oui, elle parle avec le professeur d'anglais. 35. Jacques va-t-il à la fac? 36. Non, il ne va pas à la fac. 37. Paul est-il chez Jeanne? 38. Oui, il est chez Jeanne. Répondez, répétez. 39. Françoise parle-t-elle avec le professeur? 40. Oui, elle parle avec le professeur d'anglais. 41. Est-ce que Françoise parle avec le professeur? 42. Oui, elle parle avec le professeur d'anglais. 43. Jacques va-t-il à la fac? 44. Non, il ne va pas à la fac. 45. Est-ce que Jacques va à la fac? 46. Non, il ne va pas à la fac. 47. Paul est-il chez Jeanne? 48. Oui, il est chez Jeanne. 49. Est-ce que Paul est chez Jeanne? 50. Oui, il est chez Jeanne. Écoutez. Paul, je te présente Jeanne, une amie étudiante. Marie, je te présente Paul, un ami étudiant. Paul, je te présente M. Bonnet. Il est enseignant. Anne, je te présente Mlle Moreau. Elle est enseignante. Jacques, je te présente Mme Passot. Elle est commerçante. Son mari aussi est commerçant. Ils vont au marché. Répétez. 51. Paul, je te présente Jeanne, une amie étudiante. 52. Marie, je te présente Paul, un ami étudiant. 53. Paul, je te présente M. Bonnet. 54. Il est enseignant. 55. Anne, je te présente Mlle Moreau. 56. Elle est enseignante. 57. Jacques, je te présente Mme Passot. 58. Elle est commerçante. 59. Son mari aussi est commerçant. 60. Ils vont au marché. Répondez, répétez. 61. Qui est Jeanne? 62. Jeanne est une amie étudiante. 63. Qui est Paul? 64. Paul est un ami étudiant. 65. Qui est Monsieur Bonnet? 66. C'est un enseignant. 67. Qui est Mademoiselle Moreau? 68. C'est une enseignante. 69. Qui est Madame Passot? 70. C'est une commerçante. 71. Que fait son mari? 72. Il est commerçant. 73. Où vont-ils? 74. Ils vont au marché. Écoutez. Jeanne, c'est une amie. Elle est très sympathique. Paul, c'est un ami. Il est très sympathique. Monsieur Bonnet est enseignant. Il est content de ses élèves. Voici Mademoiselle Moreau. Elle est enseignante. Elle est contente de ses élèves. Voici Monsieur Passot. C'est un commerçant très connu. Voilà Madame Passot. C'est une commerçante très connue. Répétez. 75. Jeanne, c'est une amie. 76. Elle est très sympathique. 77. Paul, c'est un ami. 78. Il est très sympathique. 79. Monsieur Bonnet est enseignant. 80. Il est content de ses élèves. 81. Voici Mademoiselle Moreau. Elle est enseignante. 82. Elle est contente de ses élèves. 83. Voici Monsieur Passot. 84. C'est un commerçant très connu. 85. Voilà Madame Passot. 86. C'est une commerçante très connue. Répondez, répétez. 87. Est-ce que Jeanne est sympathique? 88. Oui, elle est très sympathique. 89. Paul est-il sympathique? 90. Oui, il est très sympathique. 91. Est-ce que M. Bonnet est content de ses élèves? 92. Oui, il est content de ses élèves. 93. Est-ce que Mademoiselle Moreau est contente de ses élèves? 94. Oui, elle est contente de ses élèves. 95. Monsieur Passot est-il un commerçant connu? 96. Oui, c'est un commerçant très connu. 97. Madame Passot est-elle une commerçante très connue? 98. Oui, c'est une commerçante très connue.